par mois, Jean-Baptiste et Goulven vous proposent d'écouter une sélection faite par des amis mélomanes, des collectionneurs ou des DJ qui gravitent autour du groove. Le vendredi 20 décembre 2013, c'est au tour de Louis-Guy Bégin du blog Les Rythmes étranges de partager avec vous sa sélection intitulée « De la corne d'or au Yangtze ». 100% dynamite, tous les vendredis, de 19h à 20h. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, sur les ondes de CKRL, c'est votre émission de rock progressif hebdomadaire avec Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, encore une fois, 2 heures de bon rock progressif. Plusieurs nouveautés ce soir et également des seconds ou troisième extrait de nouveautés dans le rock progressif. Et on va débuter avec, on parlait la semaine dernière avec Michel de Sky Architect, qui est un groupe des Pays-Bas qui a fait paraître Billion Years of Solitude récemment, leur troisième album. Il y a dans ça un musicien du nom de Christian ou Chris qui fait des albums sous son nom, donc comme artiste solo. Et Chris vient justement de faire paraître son quatrième album, et franchement, là, cet album-là, il est deux coches plus haut que les précédents, à mon avis. En tout cas, c'est un super album que j'ai découvert. En fait, je regarde un peu les compilations là, des meilleurs albums de rock progressif de 2013 là, dans des forums, puis j'étais intrigué de voir comment cet album-là, oui, faisait de bonnes chroniques, si on veut. Et franchement, Days of Summer Gone. Donc, Chris, il est multi-instrumentiste. Il fait donc la guitare, les claviers, la basse, la batterie, le chant. Et il s'est joint de musiciens de musique acoustique avec un violoniste au bois, etc., pour l'orchestration. Alors, ça fait vraiment un super album. Il y aura donc Chris, la pièce éponyme de ce plus récent album. Et également, pour débuter l'émission, un artiste qu'on a connu dans les années 80 avec un groupe légendaire dans la renaissance du rock progressif, Marillion, c'est le chanteur Fish. Fish qui est à son 11e album en carrière solo là, depuis 90 et disons qu'il a connu des hauts des bas. Moi, je le suivais pas vraiment dans sa carrière. J'ai pas été un fan de ce qu'il a fait en solo, mais cet album-là qui vient de paraître cette année, A Feast of Consequences, là vraiment, c'est comme le meilleur de Fish dans condensé dans un album. Puis sinon, c'est vraiment super bon. Vous allez voir cette pièce qui débute, Perfume River. On voit ses origines écossaises d'abord avec la musique qui vous allez reconnaître ça. Mais après ça, il y a un beau crescendo, puis ça monte, là, puis c'est vraiment bien. Donc la pièce Perfume River de Feast of Consequences, le dernier Fish, et également Chris. Alors on y va tout de suite en musique avec Fish sur les ondes de CKRL 89.1 à l'émission Terra Incognita. Thank you. eyes are open and all his eyes appears. It's a perfect nightmare. It's a perfect nightmare in an imperfect world. I missed the wake up, slept through the dawn. When I declared the curtains drawn, behind the fourth wall, behind the scenes, a discarded fading flower on the soporific sensual perfume river. The perfect nightmare. Escape the perfect nightmare. Dream the perfect world. Perfume river, carry me down to the perfume river. Set me adrift on a well-stocked open boat. Show me the way to the perfume river. Sail your way down the perfume river. Pour that sweet, sweet liquor down my throat. Fire-breathing dragon swarming sweltering skies. Spewing flame on the innocents below. Charred and brittle causes blackened evidence. Sorrows and I'll die in hope. Push me away down the perfume river, the swirls and eddies of the perfume river. In these dark and muddy waters, let me float.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Jusqu'au 20 décembre, courez la chance de gagner un bas de Noël rempli de certificats cadeaux d'une valeur de plus de 300 $. Écoutez l'émission « Change de disque » de 15h30 à 17h30 pour connaître le nom des finalistes qui seront tirés parmi tous les membres de CKRL. Vous n'êtes pas encore membre? Ce n'est pas compliqué. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Devenir membre » ou rendez-vous au 405 3e Avenue à Limoilou. Ce concours est rendu possible grâce à la participation de la Maison thaïlandaise Cuisine Royale pour vos palais, la boutique Poil et Plumes et la conserverie du quartier. Devenir membre de CKRL, ça réjouit le Père Noël. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écotantique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous ait donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écotantique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écotantique.com. Offrir une carte de membre de CKRL en cadeau? Pourquoi pas? À seulement 25 $, vous ferez le bonheur de l'un ou de l'autre. Une façon rapide de le faire, ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Devenir membre ». Pourquoi la Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. En vente chez tous les bons marchands. Et de retour avec Bruno et Marc, et ce qu'on a entendu juste avant, donc la pause, c'était Chris des Pays-Bas, tiré de son plus récent album Days of Summer Gone, et c'était la pièce éponyme de ce disque-là, une belle pièce, vous avez certainement dû constater, donc c'est lui qui fait tous les instruments, et il est accompagné d'instrumentistes, qui joue des pièces, des instruments classiques dans cette pièce. Il y avait eu en début de bloc Fish, le plus récent album de Fish, Feast of Consequences, et la pièce Perfume River. Pour le deuxième bloc, maintenant, on a deux pièces intéressantes. On a le nouveau Tangent. En fait, c'est pas un officiel de Tangent, c'est l'étagère du travail. C'est a Companion to Le Sacre du Travail, qui est le plus récent album officiel de Tangent. Donc, c'est un truc pour les fans, et il y a 5 pièces inédites sur ça et 5 pièces qui sont reprises sur cet album-là. Et c'est pas, je dirais pas un must. Je comprends pourquoi que c'est pas un album officiel. On voit que c'est l'étagère du travail, donc les pièces qui sont restées en chantier durant le montage de cet album, Le Sacre du Travail. Alors, il y aura cette pièce de Tangent qui jouera la pièce intitulée Changing Direction. In Iron Crows, c'est ça, voilà. La pièce In Iron Crows. Mais juste avant, une nouveauté donc du groupe Leap D. C'est un groupe des Pays-Bas également. C'est leur troisième disque depuis 2009, 2011 et 2013. Donc à chaque 2 ans, ils ont produit des albums, et c'est vraiment celui-là, je pense qu'il y a une coche au-dessus du précédent. From the Days of Deucalion, Chapter 1. Il y aura la pièce Insectes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'insectes ce soir avec le mercure qu'il fait à Québec, mais on ira de cette pièce de Leap Day, tirée de leur plus récent album From the Days of Deucalion, la pièce Insects, et ensuite The Tangent et la pièce The Iron Crows. Wetlands, millions of eggs, spawned creatures in three parts and three pair of legs. Crawling animals, nowhere a meal to share. Some have bare skin, some have hair. Not loved, not even nursed. The grub looked different from the adults at first. Eating everything before they morph on they will transform before they fly. Flies will come by. They look like a monster cloud, 'cause they are much quicker than your eye. Aphids come by. Crawling caterpillars, grasshoppers, they jump up and on the earth and in the sky. Billions, trillions keep munching each and every day. Just nibbling the world away. Thank you. vegetation, that wooden statues of the insect domination. Bare strip nothingness, touched by the evil eye, leaving the green lands to die. Lights will come by, look like a monster cloud, 'cause they are much quicker than your eye. Aphids come by, caterpillars, grasshoppers, they jump up and high, high in the sky. Box on leaves, ends in soil, why do they touch it? God knows why. Flies will come by. Was it a punishment or a sunset, the colors of a market and a life of simple plans. Don't twirl on the image you see, like a knife to me. Covered bird's eye went down with his ship, so the slavers could sail for you. Works for $2 a day, breaking up super tankers on the beach. Dismantles floating cities hidden from the Western media's normal reach. Got no hard hat for the danger, got no steel caps, got no boots. And with 20,000 others, this industry took away his roots. Just like the melting of the ice. gunboats sent by Greenpeace is gonna lighten up his dock. Tono Bono, Tono Geldof, just knows labor, just knows work. Ekes his living from the ocean, doing the jobs the West will shirk. C'était le groupe de Andy Tillison, The Tangent, que vous connaissez certainement, puisque ça nous sert de thème depuis 10 ans maintenant avec Terra Incognita. Et c'était tiré de leur plus récente CD, en fait, qui est disponible seulement en téléchargement. Il n'y a pas de disque physique de ça. C'est L'étagère du travail, A Companion to Le Sacre du travail. C'était la pièce des Iron Crows. Comme je disais, il y a 5 pièces inédites. Ça, c'est une des pièces inédites qui est absolument excellente. Les autres sont bonnes aussi, franchement. C'est pour les fans. Vous pouvez le télécharger donc sur à partir du site de The Tangent. Et ce qui avait débuté le bloc, c'était Leap Day, un groupe des Pays-Bas. Et c'est tiré de leur plus récent et troisième album, From the Days of Deucalion. C'était la pièce Insects. Vraiment bon. On s'en va maintenant en Norvège avec Curse Pink. Franchement, c'est super bon, Curse Pink. Surtout avec maintenant le chanteur... voyons, je cherche le nom du groupe qui s'est joint à ça. Franchement, c'est excellent. Mystic Spirit, c'est le nouvel album de Curse Pink qu'on n'attendait pas et franchement, ça nous surprend. La pièce de Storm commencera. On parle un peu de spectacles qui s'en viennent. Il y a Yes qui vient d'annoncer au Théâtre Capitole le 31 mars 2014. Ils vont faire intégralement de Yes Album, Close to the Edge et Going for the One. Alors, les billets ont été en vente à partir d'hier. C'est le 31 mars 2014 au Théâtre du Capitole. Il y a également au Palais Montcalm le 8 mars de Security Project, qui est un projet monté par Jerry Marotta, qui jouait avec Peter Gabriel dans les années 77 à 83. Et ils ont décidé de monter. Il y a Trigon qui est dans ça aussi, et qui sont connus pour les musiciens. Les autres, probablement pas connus, mais certainement très talentueux, qui vont faire une partie de ce que Peter Gabriel faisait entre 77 et 83, donc avant l'album So. Et il y a également The Watch qui s'en vient au Centre d'Art La Chapelle les 3 et 4 avril avec Genesis Seconds Out. Et également le 5 avril, The Watch Plays The Watch, à ne pas manquer. Il y a pas mal de spectacles qui s'en viennent. La Convention Terra Incognita qui s'en vient également le 16, 17 et 18 mai 2014. Ça va être une belle année. On va bien débuter avec plusieurs beaux artistes, dont Glasshammer et Zoufanti et Iz. Alors, à ne pas manquer. Alors, on va aller en pause publicitaire et au retour, Curse Pink. On a également Spox Beard qui s'en vient, The Flower Kings. On aura Camel. Alors, restez les nôtres. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Avec la foi, nous pouvons soulever des montagnes. Avec mes citoyens, nous pouvons bâtir la ville de demain. Ici Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Et Régis Labeau, maire de Québec. Avec les ressources nécessaires pour s'en sortir, ça aide. Pour une personne sans abri, un toit, un repas, une main tendue peuvent faire toute la différence. À la Maison de l'Aube-Rivière, votre don peut changer une vie. Soyez généreux. Détails à l'aube-rivière.org. Collaboration Desjardins, Caisse du Centre-Ville de Québec. La, la, la, la, la, la. Qu'est-ce que la musique de Noël? Un mal nécessaire, un traitement de canal, un supplice intolérable, des ongles sur un tableau noir, une déchirure du tympan ou tout simplement un horrible verre d'oreille? Chaque année, sur CKRL, les intrépides Denise Leclerc et Claude Brindamour tentent l'impossible. Présenter la nativité en musique en extirpant le mauvais pour le faire renaître. Quand ça? Dimanche le 22 décembre à 13h. Où ça? Seulement au 89.1, bien entendu. Le Chichio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédélique, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89. Oh, Sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita, vous avez entendu le groupe norvégien Curse Pink, tiré de leur plus récent album Mystic Spirit. Alors, c'est un groupe qui n'avait pas fait paraître d'album depuis 2002. Et avant ça, il y en avait quelques-uns. Donc, c'est leur sixième album. Vraiment une belle réussite. C'était une pièce instrumentale. Je parlais tantôt du chanteur de Magic Pie qui fait maintenant partie de cette formation-là. Et c'est pas toujours rock comme ça tout le long. Là, il y a plusieurs ambiances. Il y a beaucoup de mélange de musique folklorique norvégienne, si on veut, et scandinave avec du rock progressif, du rock, et c'est vraiment varié. Et c'est riche. C'est le fun à écouter. Alors, Curse Pink, c'est un de mes coups de cœur de cette année. On y va en musique avec un petit bloc. Il va y avoir The Flower Kings qui viennent de faire paraître leur nouvel album Desolation Road, Rose. D'ailleurs, je me trompe avec Road. Ça devait être le titre de l'album à l'origine, mais ils ont changé ça donc pour Rose, puisqu'il y a une pièce qui s'intitule Desolation Road sur cet album-là. Et il y a une entrevue donc avec Ryan Stoll dans le plus récent magazine Terra Incognita qui vient de paraître, le magazine numéro 36. C'est un des plus beaux, là, franchement, au niveau de les couleurs, le graphisme. Super bel album. En fait, c'est un spécial convention 2013. On comprend pourquoi, parce que ça a été un coup de cœur pour bien des gens avec RPVL, The Flower Kings, justement, Fido. Il y a le Castello di Atlante, et franchement, ça a été Fido et il Castello, de belles découvertes aussi, et Edo et The T-Club. Donc, il y a des entrevues avec Ryan Stoltz, il y a Ample Deed, Flamborhead, Blackmore's Night et Steve Rothery. Il y a plusieurs... Procurez-vous ce magazine. C'est comme une édition souvenir, si on veut, de la convention, là, 2013. C'est super bien. Alors, Ron Stolt qui nous parlait de ses projets. Il y aura Transatlantique qui s'en vient bientôt. J'en ai pas parlé encore tantôt. C'est 5 février, donc, au Capitole de Québec. Fin 5 février 2014, il y a Neil Morse, Mike Portnoy, Pete Travellas, Ron Stolt qui sont... Et ils vont venir nous présenter leur plus récent album, Kaleidoscope, qui va paraître être à la mi-janvier, et Whirlwind, évidemment, et ça va être quelque chose. On aura une pièce du dernier Flower King, Desolation Rose, la pièce Sleeping Bones. On aura également Spock's Beard, qui viennent de faire paraître là, cette année, franchement, ce que tout le monde dit qui est leur meilleur album depuis longtemps, Brief Nocturnes and Dreamless Sleep. C'est un album double en plus, et c'est vraiment très bon. La pièce Afterthoughts a des petits accents là, qui font penser un peu à Gentle Giant, vous allez voir, avec les vocaux, et c'est intéressant. Et également Camel de Snow Goose, réenregistré cette année par Andy Latimer, avec les musiciens Denis Clément et Guy Leblanc, qui sont des Québécois, les deux. Donc, c'est un groupe... J'ai appris que, finalement, le deux tiers de Camel est québécois actuellement. Alors, de Snow Goose 2013, c'est un des coups de cœur de la plupart des gens qui, franchement, ils ont certainement redécouvert cet album avec ce réenregistrement de Snow Goose, un album paru en 75. Et il y aura la pièce Migration. Et donc, Migration... The Flower Kings, Spock's Beard. Mais d'abord, allons-y, oui, avec Spock's Beard. We'll be right back. cause they don't get to hear the things I know. In circles, cause they don't know where to go. Screaming out, voices they are finally coming. Thoughts they're screaming out, voices ringing all about. Thoughts they're screaming out, voices they are finally coming. Thoughts they're screaming out, voices ringing all about. Thoughts they're screaming out, voices ringing all about. And voices like to scream and shout. I think my thoughts are finally coming down. Just like a fox, but with dementia. By the way, on third thought, you shouldn't open that box that I sent you. de CKRL. Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Voici une histoire de Noël dont vous êtes le héros. Au son des grelots, ajustez la balance de votre radio à droite ou à gauche pour en choisir la fin. Après avoir fêté allègrement, vous désirez rentrer à la maison en sécurité. Vous décidez d'appeler un taxi ou l'opération Nez Rouge. Peu importe le choix, l'important c'est que votre histoire se termine bien. L'opération Nez Rouge célèbre ses 30 ans grâce à vous. Faites partie de la tradition en composant le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. CKRL. Au début, il y eut le ciel, les étoiles, le soleil, le vent et les arbres. Et dans leurs feuilles vint la musique. Et ce jour, le cœur de l'homme s'apaisa. Il vous est possible d'en retrouver l'écho. Le choix est vaste, certes. Beaucoup sont différents, mais d'autres plus familières. Un peu comme si elles vous ressemblaient. Tendez l'oreille, tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à CKRLMF 89.1 Québec. Denis Barry vous propose l'émission L'opineur du chef. Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Eh bien oui, dernière demi-heure pour l'émission Terra Incognita. Ça passe tellement vite quand on est en bonne compagnie musicale. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Myriador, un groupe du Québec tiré de leur plus récent, Cobra Fakir. C'était la pièce Paris-Roubaix. Alors, c'est un album très expérimental, très ambiant, comme d'habitude, qui nous fait vivre plein d'émotions musicales qui sont nouvelles, en fait, c'est ça qui est le fun avec la musique. Moi, j'aime ce groupe depuis leur début, depuis 1986, en fait. Alors, franchement, c'est très bien, à mon sens, ce groupe qui est peu connu, je trouve, par rapport à son talent. Donc, c'est leur 8e album depuis 1986, quand même, et moi, je les adore. Alors, le dernier bloc musical, ben justement, il y avait eu Camel. Je disais que c'est le quart du groupe qui est québécois, hein, parce qu'il y a également le bassiste Colin Bass qui est là, donc ils sont quatre. Mais franchement, c'est le fun. Moi, je l'aimais beaucoup, de Snow Goose. C'est un vinyle que j'ai depuis longtemps. Et donc, c'était la pièce Migration. Évidemment, c'est revisité maintenant et réenregistré en 2013. Bon, donc, dernier bloc musical, oui, italien, avec les deux nouveaux groupes, en fait, ou nouvel album, si on veut, et un second. Ceux qui sont nouveaux, donc Camellia's Garden, c'est un album qui est très éclectique, en fait. C'est pas que du rock progressif. You Have a Chance, il y a de très bonnes pièces dans ça, dont Mellow Days, qu'on écoutera. C'est un des bons albums, une des belles découvertes. C'est différent à écouter, c'est agréable. Également Tugs, qui est un groupe qui avait été formé en 1978, mais qui avait jamais réalisé d'album. Et ça fait donc des vieux routiers qui arrivent avec leur premier disque Europa Minor, qui est un mélange de musique traditionnelle et rock progressif. On aura la pièce La Brigata dei Dottori. Mais tout d'abord, pour débuter, Il Tempio delle Clessidre. Ça, c'est un groupe qu'on adore à Terra Incognita, leur second disque Alien Natura, et ce sera la pièce Senza Colori. petto del silenzio, vibrando tra pensieri esausti, perdo una parte di me nella spirale del tempo, la memoria corre al tuo sorriso intatto, ma si perde nei confusi stralci di una realtà che ora stringe, non cede, mi soffoca. Thank you. the chill of December lay me down. When the winter's cold surround you, you're so cold. When I think of you, my soul feel the world. Lay me down in the wake of this ending. Oh, lay me down while I sing for you of the rainbow I have got. All the meanings of your soul. Think again that world and die. I can see the light and you. Come so true. Many days we call your name. Laid you down the blooming of the springtime. I laid you down in the moment all the winter passes through. Know the lonely days that you left me for. Why you become so cruel? Melodies are wrecking me. C'était Camellia's Garden de l'Italie, tiré de leur plus premier album, en fait, You Have a Chance, et c'était la pièce Mellow Days. Oui, il y avait de la bonne musique dans ça, inspirée du rock des années 70, il n'y a pas à dire. Et le bloc avait débuté avec Il Tempio delle Clessidere, tiré de leur plus récent album Alien Natura, et la pièce Senza Colori. On va terminer avec notre bloc italien, avec un groupe qui a été fondé en 78 et qui vient de faire paraître leur premier album Europa Minor en 2013. C'est un très bon album. On écoutera la pièce Brigata dei Dottori. Alors, on va vous laisser là-dessus, puis il va avoir l'autoroute après. Restez des nôtres, puisque Stéphane vient d'arriver, il prépare toute sa musique pour nous faire vivre la nuit en musique avec vos demandes spéciales. Alors, on vous laisse là-dessus. C'était Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical pour cette édition du 14 décembre 2013 de Terra Incognita. Revenez-nous la semaine prochaine. On aura encore plusieurs nouveautés pour vous. Nemrud, on aura également Il Granaggi della Valle. Ça, vous allez voir. Restez des nôtres. Il y a plusieurs bonnes musiques qui s'en viennent la semaine prochaine. On se quitte donc sur Togs et on vous dit à bientôt. We'll be right back.